une sélection des meilleurs couplets de Mr. Chroma. Laisse tous les projets de la famille à droite à gauche. On a sélectionné ça pour toi, poteau. Du 9-2 au 8-4, les banlieues sont dans le rap. Performance, on adapte, malgré la distance, on snap. Chroma et Nasty, ça passe mieux que le Ice-T. C'est l'accent de Paris et celui du midi. Traverse les frontières en esquivant la douane. On est là pour la gagne, donc que les rappeurs s'éloignent. T'as vu ce que ça donne, hein? Deux voix qui dégomment, hein? T'en auras pour tes thunes, vas-y fume, c'est de la bonne, hein? Ça te mettra en forme, hein? En attendant l'album, hein? Merci aux supporters qui sur net lâchent des crumbs, hein? Franchement ça fait zirpler, quand mon coolplay il plaît. Quand il est en replay, sur plusieurs listes. Didi didi DJ, remets plus fort. J'crois t'as pas compris qu'on s'est uni le sud et le nord. Y'a pas de différence à part qu'au nord y'a moins de soleil. Pour toute la France et Châtillon, Avignon, Marseille. Répéter une arme, moi un peu trop. Calibre efficace qui traite direct béton. Laisse béton, trop de cafards, mérite du bégon. MC t'es mon neveu, donc respecte le tonton. T'as vu As, c'est comme As que le rap de Chroma fracasse. Dans ta race, en pleine face, te piétine et t'efface. Si le rap était un boxeur, je serais plus fort que le partner. Un leader, le meilleur, un sacré combatteur. Ça fait mal le rap, mais des coups de crosse. Des crises cross en grandissant, on passe à Rick. Si le rap était comme Vegeta, ce serait un super Saiyan. Si le rap était un 4-4, ce serait un putain de Cayenne. Si, imagine juste si. Si le rap était un film, ce serait New Jack City. Si le rap était un crime, j'aurais déjà pris la perpète. Si mon rap tu le connais pas, prépare-toi à le voir à Paris. J'ai une thèse, donc en caisse, original avec le test. Je te mets la biche. J'accélère, vénère, et calcule son père. Je te mets la biche. T'as voulu test, donc en caisse, original avec le test. Je te mets la biche. J'accélère, vénère, et calcule son père. Je te mets la biche. Chromatise. Des autres, t'es la seule et l'unique. Même sans maquillage, dès le matin t'es magnifique. On fera le mariage au bled et j'inviterai toute la cité. Cortège dans le village avec des petits qui courent après. Écoute-moi, faut que t'aies confiance en moi. Garde la foi qu'on vive ensemble dans la joie. L'hiver je fais mes affaires, l'été on part en Kansva. Pour la destination, si tu veux, tu choisiras. On fera un chroma miniature avec un beau crâne. Je me mettrai dans le feu pour qu'il soit le futur Beckham. Dans ma tête j'ai plein de projets, nous deux c'est forever. Je sais t'ouvrir mon cœur même si parfois je fais des erreurs. Pamela Chroma, tu vois bien que ça rime bien. Prends-moi la main et vas-y, viens. Tranquille. Ça c'est le dessin. Ok c'est bon, je le connais ton refrain. Quel refrain, quel refrain. S'il te plaît arrête avec tes questions. Y'a de la rime en intérim, c'est moi le manpower. By night, allumez les mag lights. J'suis trop suspecté, comme le Carisouk Night. Trop gore, ça c'est un film d'horreur. Tu feras des cauchemars, tu chromatises. Le hardcore, j'l'ai trop dercé. Après ma vague de violence, j'crois plutôt qu'il a déserté. Une correction, à présent fais attention. Notre rap authentique, tu peux pas faire d'imitation. Tu verras ma chala, j'vais tout niquer, inshallah. Tu finiras dans la piscine comme l'eau. J'augmente le level, mon flow laisse des séquelles. Fidèle à l'archipel, j'ramène le potentiel. Vamos, ici on a du matos. Calmos, bolos, c'est Chroma et les Comoros. T'inquiète ton pilote, tu peux pas boycott. Une vie obscure, la nuit on rôde comme des coyotes. Hotsen, Sensani, MC on te finit. Notre peur a trop heavy, c'est pas du Camini. Sois pas étonné, si je t'ai impressionné. À fond je me suis donné, mon couplet t'a assommé. On veille tout niquer, la vérité y'a du potentiel. On rap violent, Bellec au MC de l'archipel. Sache que personne ne sous-estime Chromatise et la Comoros. Bien nous niquer, la vérité y'a du potentiel. On rap violent, Bellec au MC de l'archipel. Sache que personne ne sous-estime Chromatise et la Comoros. Bien nous niquer, la vérité y'a du potentiel. On rap violent, Bellec au MC de l'archipel. Sache que que personne ne sous-estime. Trop chromatisme et la pomme au steam. C'était Carnage. Premier épisode. La saga continue. À suivre. Le street album. Toxic Roman.